franceinter.com. Au moment où l'Égypte traverse l'un des plus grands bouleversements de son histoire contemporaine, M. X a choisi de revenir sur une autre crise qu'a connue sa jeune République, l'affaire de Suez, en 1956. Un épisode qui, dit-il, n'a pas encore livré tous ses secrets. Je résume notre entretien de la semaine passée. En juillet 1956, donc, le colonel Nasser, furieux de ne pas avoir bénéficié d'un prêt des puissances occidentales pour construire le gigantesque barrage d'Assouan, qui doit sortir son pays du sous-développement, se tourne vers Moscou et riposte en nationalisant la compagnie du canal de Suez, une société franco-britannique. Face à ce qu'il considère être une spoliation, Britanniques et Français envisage très vite de répondre par la force. Et leurs services secrets élaborent même des projets d'assassinat de Nasser, ce nouveau Hitler, comme la presse le présente des deux côtés du Channel. Mais ces tentatives de liquidation échouent. Reste donc l'hypothèse militaire. Cependant, les deux pays ne poursuivent pas forcément les mêmes objectifs. Pour la France en particulier, il s'agit d'abord de se débarrasser d'un dirigeant arabe qui arme les rebelles algériens du FLN. À la mi-octobre, une opération téléguidée par le SDEC en apporte la preuve. Un bateau bourré d'armes chargé à Alexandrie et destiné au FLN est arraisonné dans les eaux internationales. La collusion de Nasser et des rebelles algériens est ainsi clairement établie. Cela renforce encore le camp de ceux qui veulent à tout prix en découdre avec le dictateur égyptien. À cela s'ajoute la question israélienne. Les socialistes français au pouvoir, très proches des dirigeants de Tel Aviv, estiment que tôt ou tard, Nasser, champion du panarabisme, attaquera Israël. Il faut donc prévenir cette menace. Les Français étaient pressés. Ils avaient hâte de passer à l'action, mais pas seuls. Or, les Anglais traînaient les pieds. Ils trouvaient toujours des prétextes pour retarder le débarquement. Et pourtant, dans un souci de conciliation, la France leur a confié le commandement militaire de l'opération. Une décision très lourde de conséquences. Mais pourquoi ? Parce que sur le terrain, les Français seront toujours à la remorque des Britanniques. Et quand ceux-ci prendront la décision de décrocher, les troupes françaises également devront cesser le combat. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais. Mais vous avez aussi dit que la décision de donner la direction des opérations à Londres avait été motivée par le fait que les Britanniques, anciens colonisateurs, connaissaient bien l'Égypte. Et en outre, ils disposaient de bases à Chypre et à Malte, deux îles où l'on pouvait prépositionner des troupes avant un débarquement en Égypte. Et c'est bien ce qui avait été prévu par le plan élaboré par les deux états-majors dès la fin du mois de juillet. Alors pourquoi les Britanniques hésitaient-ils ? Si le Premier ministre, Anthony Eden, était à titre très personnel, très hostile à Nasser. Ah, il avait même été persuadé par ses services secrets que Nasser était un homme des soviétiques. Une affabulation, en fait. Donc si Eden détestait Nasser, il devait tenir compte de son opinion publique, de son opposition parlementaire, des bonnes relations que la Grande-Bretagne entretenait avec le monde arabe, et surtout de l'attitude des États-Unis. Ils sont alliés traditionnels. Alors justement, là, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais quelle était vraiment la position de Washington dans cette affaire ? La Maison-Blanche, sous la pression du lobby cotonnier, avait incontestablement fait une bourde en refusant le prêt que demandait Nasser pour la construction du grand barrage d'Assouan. Oui, parce que du même coup, Nasser s'était tourné vers Moscou. Qui s'était empressé, bien sûr, de lui donner satisfaction. Depuis, le président Eisenhower, qui semblait d'abord préoccupé par son éventuelle réélection au mois de novembre, voulait surtout éviter que la France et la Grande-Bretagne passent à l'action en Égypte. La peur que ça déclenche une crise internationale. Évidemment. Et puis il y avait aussi la Hongrie, un autre souci pour Eisenhower. Si les Soviétiques menaçaient de juguler par la force le vent de liberté qui soufflait à Budapest, comment devraient réagir les États-Unis ? On sait justement qu'ils ne réagiront pas et laisseront faire les Soviétiques. Exactement. Ouais. Et la simultanéité des événements de Hongrie et d'Égypte n'est sans doute pas étrangère à la passivité affichée par les États-Unis. Alors, pour simplifier, disons qu'en ce qui concerne la crise de Suez, Eisenhower cherche essentiellement à calmer le jeu et à gagner du temps. Oui. Il prêche la prudence, donc, à son allié britannique. Oui, et les liens entre les deux pays sont si étroits que la Maison-Blanche n'imagine pas que Londres puisse prendre une initiative militaire importante sans lui en référer. Ah, mais c'est pourtant ce qui va arriver. En effet, jusqu'au bout, les Américains ne verront pas venir le coup. Mais comme rien n'est jamais vraiment simple, quand le temps de l'action viendra, certains militaires états-uniens donneront un petit coup de main à leurs alliés, alors que Washington désapprouve officiellement l'aventure franco-anglaise. Ce petit coup de main, c'est quoi ? Des réservoirs supplémentaires seront, par exemple, fournis aux aviateurs français afin que leurs appareils disposent d'une plus grande autonomie de vol. Mais je reprends le fil des événements. À Paris, tout au long de cet été 1956, Guy Mollet, le président du Conseil, s'impatiente et essaie d'obtenir que son homologue britannique se décide enfin à agir. Mais Eden, qui ne désespère pas d'obtenir à terme le soutien des États-Unis, continue à tergiverser en essayant d'internationaliser l'affaire. Et ce qui veut dire concrètement alors ? Deux conférences réunissent au mois d'août à Londres les principaux usagers du canal de Suez, sans grand résultat. Puis il fait appel au Conseil de sécurité de l'ONU, un texte très général à propos de la libre circulation des navires sur le canal est rédigé. Mais au dernier moment, l'URSS oppose son veto. Et le temps passe. Et ça horripile Guy Mollet qui veut aboutir à tout prix à un engagement militaire de son compère britannique. Il fait même à Anthony Eden des propositions qui, avec le recul, paraissent insensées. Quoi ? Par exemple, il lui soumet l'idée d'une union franco-britannique. Ah ben, c'est aussi ce qui avait été imaginé en 1940, par quelques hommes politiques au moment de la débâcle française. Et avant la prise du pouvoir par Pétain, oui. Autre proposition, Guy Mollet suggère l'entrée de la France dans le Commonwealth. Mais ça, c'est complètement irréaliste. Ah, je suis d'accord. Mais ça montre que le président du Conseil français est prêt à aller très loin pour décider Eden à intervenir au plus vite. Il est d'autant plus pressé que Nasser a pris une décision qui le choque profondément. L'interdiction du canal aux bâtiments israéliens. Et c'est peut-être cette résolution discriminatoire qui va lui donner l'idée d'associer Israël à l'entreprise militaire qu'il veut conduire en Égypte. Oui. Israël, qui, nous l'avons vu la semaine passée, hein, entretient déjà des liens très privilégiés avec la France. Hein. Et qui bénéficie dans notre pays d'une vraie sympathie dans l'opinion publique française. Oui. Et ça a commencé très tôt, à l'époque de la première guerre que les sionistes ont menée contre les armées arabes. Depuis, notre pays est resté le premier fournisseur en armes de l'État hébreu. Et dès le début de la crise de Suez, le gouvernement français a fait en sorte de livrer clandestinement des avions Mystère 4 et des chars à Tel Aviv. Autant de matériel prélevé sur les stocks de notre armée. J'imagine aussi qu'il y a dû y avoir beaucoup de contacts entre les autorités de deux pays. Ah ben dans le plus grand secret, oui. Alors cette idée d'associer Israël, Guy Mollet, irrité par les tergiversations de Londres, pense même que si Israël s'engage aux côtés de la France, il pourra se passer des Britanniques pour attaquer l'Égypte. Ah, ça va très très loin. Hein. Seulement, il y a un hic. Ah, ben, c'est quoi ça? Pour passer militairement à l'action, il faut un prétexte. Et la première idée qui vient à l'esprit du tout petit cercle de dirigeants français qui sont dans la confidence est celle-ci. Pour écarter la menace mortelle qui pèse sur eux, les Israéliens prendront l'initiative et lanceront une offensive contre l'Égypte. Bien sûr, préalablement, nous aurons encore renforcé leur potentiel militaire. Et certains de nos pilotes leur viendront en aide en volant sur des avions de chasse français repeints aux couleurs israéliennes. Ouais. Et la France, alors, interviendra quand? Attendez, laissez-moi vous expliquer. On laisse l'armée israélienne agir. Quelques jours. Le temps pour elle de s'approcher des rives du canal de Suez après avoir défait les troupes égyptiennes. Dans le Sinaï. Oui, et c'est effectivement ce qui va se passer. Donc, au moment où les Israéliens sont en vue du canal, la France intervient. Avec ou sans les Britanniques. L'objectif officiel consiste à séparer les belligérants. Mais c'est une fiction simplement destinée à justifier l'intervention militaire française. Est-ce que les Israéliens donnent leur accord à un tel plan? Ils n'y sont pas a priori hostiles. Tout ce qui peut affaiblir Nasser est bon pour eux. Mais ils sont quand même gênés. Parce que, dans ce scénario, ce sont eux les agresseurs. Alors, pour accepter de jouer ce vilain rôle, ils vont poser des conditions. Mais lesquelles? Ils exigent au minimum une couverture navale et aérienne de leur pays par les forces armées françaises. Mais ils posent une autre condition, bien plus considérable. Et c'est là sans doute le plus grand secret de l'affaire de Suez. Mais si vous le voulez bien, j'aborderai ce chapitre un petit peu plus tard. Et encore des cachotteries. Si vous voulez. Bon. Et les Anglais dans tout cela, alors, ils sont mis à l'écart? Ah, pas totalement. Et Guy Mollet compte bien les informer. Et il espère surtout que la perspective d'une intervention israélienne les obligera à suivre et donc d'en passer par le plan français. C'est-à-dire de faire semblant, eux aussi, de se poser en arbitre entre les belligérants afin de justifier leur débarquement en Égypte. Exactement. Cependant, il faut régler les derniers détails. Et ça ne peut se faire qu'au sommet au cours d'une rencontre tripartite. Ce sera l'objet d'une réunion ultra-secrète qui va se tenir dans la banlieue de Paris et où participera lui-même le légendaire leader israélien Ben Gourion, arrivé quasi incognito en France. Rendez-vous avec X. Dans un livre récent et très bien informé, paru chez Perrin, Denis Lefebvre livre quelques-uns des secrets de l'opération de Suez. Dans le passage suivant, il parle des expéditions clandestines de matériel militaire à destination d'Israël durant l'été 56 et du mystérieux voyage d'un bâtiment de la marine française, le Laïta, chargé de 30 chars AMX-13. Le commandant informe ses marins de la destination du navire Haïfa. Le Laïta subit dans les heures qui suivent une métamorphose pour faire disparaître au maximum toute ressemblance avec un navire de guerre. On repeint en gris les lettres et numéros blancs inscrits sur la coque. On démonte les affûts de canons et les pièces d'artillerie de 20 et 40 mm. Les drisses de pavillons sont amenées. Le transmetteur de signaux optiques Scott est déposé. Le pavillon national est rentré, les plaques de bronze de la devise de la marine nationale, honneur, patrie, valeur, discipline, sont dévissées, les hublots sont masqués, les cartes d'identité et photos personnelles placées sous séquestre. Quant à l'habillement, la tenue civile remplace les uniformes. Défense est faite d'émettre par radio, une route dite en zigzag est tracée, en dehors des passages fréquentés. Alors, cette réunion secrète, il a été décidé qu'elle se tiendrait le 22 octobre à Sèvres, dans la villa d'un ami du ministre français de la Défense, Maurice Bourgès-Monoury. Et bien sûr, l'arrivée de la délégation israélienne doit avoir lieu dans la clandestinité. Et pour ne pas éveiller les soupçons. Et surtout pour ne pas faire état de la connivence qui existe entre la France et Israël. On va donc prendre un luxe de précaution. Sur ordre, le pilote de l'avion militaire français à bord duquel se trouvent Ben-Gourion, Moshe Dayan et Shimon Peres, refuse de donner toute précision sur son vol aux différents tours de contrôle avec lesquels il est en contact. De la même façon, l'atterrissage est prévu à Brétigny-sur-Orge, un aérodrome de l'armée de l'air, proche de Paris. Et ces passagers clandestins là, partent aussitôt pour Sèvres ? Oui, et dans la soirée, ils sont rejoints par la délégation française qui comprend Guy Mollet et ses deux ministres, ceux des Affaires étrangères et de la Défense. Mais il faut noter qu'à l'exception du ministre Christian Pinault, le Quai d'Orsay n'a pas été informé de la tenue de cette réunion. Le secret, toujours. Et les Britanniques ? C'est Louis Lloyd, le secrétaire d'État au Foreign Office, arrive un peu plus tard. Et ce n'est pas par hasard. Londres n'entend pas avoir de contact officiel avec l'État hébreu. Et Lloyd se montre très froid, sinon hostile. Il est clair qu'il n'est venu que parce que son premier ministre lui en a donné l'ordre. Ben ça commence plutôt mal. Oui, d'autant que Ben-Gourion n'a toujours pas avalé l'idée du prétexte. Ouais, l'offensive israélienne dans le Sinaï. Parce que, je le répète, dans cette hypothèse, Israël apparaît comme l'agresseur. Et le ton monte encore quand un membre de la délégation française propose une autre idée encore plus tortueuse, le bombardement d'une ville israélienne. Mais le bombardement par qui ? Mais par les Israéliens eux-mêmes, qui prétendraient avoir été attaqués par l'aviation égyptienne. Ah, et alors qui riposterait en envahissant le Sinaï ? Et cette idée provoque une vive réaction de Ben-Gourion qui affirme haut et fort qu'il refuse de mentir. On en revient donc forcément au plan initial. Mais les représentants britanniques ne sont pas très enthousiastes, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, Lloyd ne tarde pas à repartir à Londres pour aller consulter son Premier ministre. Et c'est à ce moment-là, on est toujours le 22 octobre, que Guy Mollet est informé d'un événement très embarrassant qui pourrait bien faire capoter toute l'affaire. Ah, c'est quoi ça ? L'arraisonnement au large des côtes algériennes d'un avion marocain qui transporte les principaux chefs du FLN. Ah oui, ça, je me souviens, c'est un coup de force parfaitement illégal des généraux d'Alger. Hein. Oui, alors voyons ça dans le détail avant d'en terminer avec la réunion clandestine de Sèvres. Les leaders du FLN, Ben Bella, Kdider et Haït Hamed, venaient d'être reçus en grande pompe à Rabat. Et ils volaient vers Tunis où devait se tenir une réunion des chefs d'État maghrébins. Avec les chefs du FLN, donc. Hein. Et l'objectif n'était rien moins que la création d'une confédération nord-africaine. Un pas très important vers l'indépendance algérienne. Et ça ne devait pas forcément déplaire à Guy Mollet, qui y voyait peut-être une solution pour se sortir à terme du guépier de la guerre d'Algérie. Et vous m'avez dit que des émissaires français avaient déjà commencé hein, à s'entretenir avec des rebelles algériens. Mais tous les socialistes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y en a, tels Robert Lacoste ou Max Lejeune, tous deux ministres, qui sont violemment opposés à l'idée même de l'indépendance. Ces hommes, mais ils ne sont pas les seuls, sont décidés à tout faire pour que cette conférence de Tunis n'ait pas lieu. Et ils ont été informés par des agents du SDEC que les chefs du FLN vont se rendre à Tunis en compagnie du sultan du Maroc, dans l'avion personnel de ce dernier. Une information capitale. Et pourquoi capitale ? Parce que l'avion royal va survoler le territoire algérien Et aussitôt, à Alger, les généraux pensent à arraisonner l'avion. Mais quand même, l'avion du sultan. L'avion du sultan, oui. L'occasion est trop belle, même si elle entraîne ensuite une cascade de difficultés diplomatiques. Mais ces chefs de l'armée, là, à Alger, peuvent-ils agir sans en référer à Paris? En principe, non. Toutefois, je vous l'ai dit, l'occasion est trop belle. Et pour ces militaires, il n'est pas question d'hésiter. Car non seulement cet acte de piraterie sabotera la conférence de Tunis, mais il mettra aussi fin aux négociations commencées avec le FLN. Par conséquent, le gouvernement est tenu dans l'ignorance. Seul, Max Lejeune, le secrétaire d'État aux forces armées, est informé. Et il donne son feu vert en se gardant bien d'avertir le chef du gouvernement. Toutefois, au dernier moment, une difficulté de taille se présente. Quoi ? L'agent du SDEC au Maroc signale que finalement, les chefs du FLN vont voyager dans un autre appareil. Mais pour quelle raison? Il y a une fuite? Non. J'imagine que Mohamed V a dû soudain réaliser que faire voler ses dirigeants dans son propre avion pouvait apparaître aux yeux des Français comme une véritable provocation. Or, l'indépendance marocaine était encore toute fraîche et le souverain chérifien avait besoin de la France. Ne serait-ce que parce qu'une partie de l'administration du pays était encore assurée par des fonctionnaires français. Donc les chefs du FLN vont monter dans un autre avion? Oui, un avion commercial piloté par des Français et mis à leur disposition par le gouvernement marocain. Et comme l'aviation civile marocaine est encore en grande partie contrôlée par la France, il n'est pas bien difficile de se procurer le plan de vol de l'appareil. Mais je pense quand même qu'il n'est plus question de survoler l'Algérie. Ah non, sans le roi du Maroc à bord, c'est trop dangereux. L'avion de Ben Bella et de ses compagnons doit donc faire un très large détour pour rejoindre Tunis, et surtout échapper aux écoutes de la tour de contrôle d'Alger. Un large détour, mais jusqu'où? Jusqu'aux côtes espagnoles. Une escale est même prévue aux Baléares. Donc bien loin de l'espace aérien contrôlé par les autorités françaises. Alors, en principe, c'est impossible d'arraisonner l'appareil. En effet. Mais les militaires et les gens du SDEC qui dirigent l'opération sont prêts à tout pour capturer les chefs du FLN. Comment vont-ils opérer alors? Comme leurs informations sont très précises, ils se placent sur la longueur d'onde des Espagnols. Et par l'intermédiaire de la tour de contrôle d'Oran, ils entrent directement en communication avec l'avion. Quel est le but là? D'abord, ils apprennent à l'équipage que plusieurs chefs du FLN se trouvent à bord. Ah oui, parce que l'équipage l'ignorait? C'est en tout cas ce qu'il prétend lors de cette première communication. Ensuite, Oran ordonne au pilote de venir se poser en Algérie. Et comme le pilote demande des explications, on lui dit « c'est un ordre du ministère de la Défense nationale ». Oui, mais... L'appareil vole dans l'espace aérien international et il appartient en plus à une compagnie étrangère. Pourquoi le pilote obéirait-il? C'est absurde. Mais c'est un pilote français, je vous le rappelle. Et incontestablement, les hommes au sol qui conduisent l'opération font appel à son patriotisme. Alors comment réagit ce commandant de bord, là? Il n'a pas l'air décidé à obéir. Et il se pose à Palma de Mallorca, comme le prévoit son plan de vol. Mais dès qu'il reprend l'air, le harcèlement recommence. Et cette fois, c'est Alger qui a pris le relais, et avec encore plus de vigueur. Le pilote, qui doit être effaré, entend cette voix insistante qui bourdonne sans arrêt dans son casque. « Il nous faut les Fellouzes! Il nous faut les 5 salopards !» Mais est-ce qu'il n'en réfère pas à sa compagnie? Si, mais les militaires français se débrouillent pour brouiller les transmissions entre l'avion et Rabat. Le pilote, le commandant de bord, est donc seul maintenant. Eh, tout à fait. Et la pression se fait de plus en plus forte. Alors, dans un dernier sursaut, le pilote, qui parle au nom de tous les membres de l'équipage, évoque les familles qui se trouvent au Maroc. Mais c'est les familles de l'équipage sur lesquelles on pourrait se venger. Bien sûr. Alors, la réponse d'Alger est immédiate. Vos familles, nous nous en occupons tout de suite. On va les mettre en lieu sûr. Et c'est ce qui va se passer? Oui. Au Maroc, où nous avons toujours des troupes, des camions de l'armée s'arrêtent devant toutes les maisons où habitent les familles de l'équipage, et femmes et enfants sont immédiatement embarqués. Direction la frontière algérienne. Le pilote rassuré va alors se diriger vers Alger? Oui, mais il y a un dernier problème. Les dirigeants du FLN sont armés. Ben Bella, par exemple, dispose d'une mitraillette. S'il s'aperçoit qu'il a été piégé, il risque de prendre l'équipage en otage, ou même de faire un carnage dans l'avion. Alors il faut ruser. Alger étant plus proche que Tunis, l'avion doit tourner en rond pour atterrir sur l'aérodrome de Maison-Blanche, à l'heure prévue de son arrivée à Tunis. Et les chefs FLN là à bord ne se rendent compte de rien? Non, comme ils n'aperçoivent pas les 2 avions de chasse qui escorteront l'avion jusqu'à Alger, au cas où. Mais lorsque l'avion atterrit là, ils doivent réaliser qu'il ne se pose pas à Tunis. Bon, vous savez, tous les aérodromes se ressemblent. Non, ils sont simplement étonnés de constater qu'il y a un grand nombre de forces militaires sur le terrain. Et lorsqu'ils comprennent enfin qu'il s'agit de soldats français, il est trop tard. L'avion s'est immobilisé, l'équipage a déjà sauté par l'ouverture de secours, Ben Bella et les siens sont faits prisonniers. Et ce qui est autrement plus grave, le gouvernement va couvrir les hommes qui ont perpétré cette action illégale. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Nous allons voir avec Monsieur X quelles seront les conséquences de cet acte de piraterie aérienne. Auparavant, un commentaire. Je l'ai trouvé dans un livre de mémoire de Christian Pinault, l'homme qui, au même moment, discute à Sèvres avec les Israéliens et les Britanniques. Extrait. L'arrestation de Ben Bella et de ses compagnons a été en effet le tournant décisif de la guerre. La France, jusque-là, avait pu conserver l'espoir de trouver un accord avec le FLN. Elle était désormais condamnée à obtenir une victoire militaire totale à laquelle de nombreux officiers de l'état-major ne croyaient déjà plus, ou à abandonner l'Algérie, capitulant ainsi sans condition. Seul, un homme comme le général de Gaulle était capable de perdre une telle bataille en sauvant la face. Le monde arabe tout entier condamne l'action illégale de la France. Des Français seront même massacrés dans le nord marocain. D'une certaine façon, Nasser triomphe. Même ceux qui lui étaient hostiles sont tentés de se rapprocher de lui, le leader du panarabisme. Et 8 jours plus tard, lors de l'expédition de Suez, ils sont encore à ses côtés pour condamner l'agression israélo-franco-britannique. En tout cas, les initiateurs de cette affaire d'arraisonnement là, peuvent considérer à court terme, au moins, hein, qu'ils ont réussi, non? De leur point de vue, oui. La conférence de Tunis est annulée. L'organisation rebelle est décapitée. Et les négociations avec le FLN sont désormais impossibles. Et quelles sont ces conséquences là, sur la réunion de Sèvres? Guy Mollet est coincé, puisqu'il n'a pris aucune sanction contre les généraux d'Alger. Des généraux qui ont aussi très envie d'en découdre avec Nasser. Par conséquent, il est presque obligé d'aller jusqu'au bout. Ouais, c'est-à-dire autoriser l'expédition de Suez. Mais au fond, c'est ce qu'il voulait, non? Certes, mais il n'a plus aucune liberté de manœuvre. Et ses interlocuteurs israéliens et britanniques l'ont parfaitement compris. Suez servira aussi à faire oublier l'affaire de l'arraisonnement. Alors, revenons à Sèvres. Les discussions se poursuivent jusqu'au 24 octobre. À Londres, Anthony Eden a pesé de tout son poids pour engager son pays. Et la réunion débouche sur la rédaction d'un accord qui tient sur 3 feuillets. 3 feuillets explosifs. Et pourquoi explosifs? Parce qu'on y mentionne expressément ce qui va servir de prétexte à l'intervention franco-britannique. Ouais, l'agression israélienne. Et c'est pourquoi ces 3 feuillets seront longtemps dissimulés et ne seront jamais versés aux archives des 3 pays. Et sur le terrain, alors? Oh ben, conformément au plan prévu, les Israéliens attaquent dans le Sinaï le 29 octobre. Et ils remportent très vite des succès. Hein. C'est exact. Mmh. Les blindés de Moshe Dayan bousculent les troupes égyptiennes et arrivent en vue du canal de Suez. Aussitôt, Britanniques et Français adressent un ultimatum aux belligérants, leur enjoignant de se retirer chacun à une quinzaine de kilomètres du canal. Ça, c'est toujours l'application du plan prévu. Oui, oui, cette fiction inventée pour justifier l'intervention. L'Égypte, bien entendu, refuse l'ultimatum. Aussitôt, les avions britanniques et français, dont certains, je le rappelle, portent l'étoile de David, bombardent les aérodromes militaires égyptiens et clouent l'aviation de Nasser au sol. On estime alors que plus de 260 appareils égyptiens sont détruits. C'est donc un succès. Oui, mais il faut le parachever par un parachutage et un débarquement. Entre-temps, vous le savez, les Soviétiques règlent à leur manière la question de Budapest. Ils le font d'autant plus tranquillement qu'ils connaissaient, grâce à un agent soviétique infiltré dans les plus hautes sphères israéliennes, que l'attaque contre l'Égypte était imminente. Ouais. Et pour revenir à l'offensive terrestre israélienne, est-ce qu'elle a été aussi facile qu'on l'a prétendu ? Non. Vous avez raison de revenir sur ce point, car on s'est souvent gaussé de l'armée égyptienne. Or, dans certains secteurs du Sinaï, elle a opposé une résistance acharnée aux troupes israéliennes. Et certaines unités de Tzahal n'ont dû leur succès qu'à l'intervention de l'aviation française. Alors, poursuivons là, les parachutages et le débarquement franco-britannique. Les parachutages commencent le 5 novembre de chaque côté du canal, à Port Saïd et Port Fouad. Et là aussi, il faut parler de bluff. Contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a pas de vraie bataille. Le gros des troupes égyptiennes se trouve beaucoup plus loin autour du Caire. Et Anglais et Français ne rencontrent pas vraiment de résistance farouche. Le débarquement suit aussitôt ? Oui, dès le lendemain. Et dans les mêmes zones. On peut alors penser que les envahisseurs vont concrétiser leur succès en avançant très vite vers le Caire. Eh bien, pas du tout. Pour quelle raison, alors ? Le commandement, je vous le rappelle, est britannique. Et à Londres, on n'a manifestement pas envie d'aller plus loin. Alors que les Français, au contraire, ont envie d'avancer et de provoquer la chute de Nasser. Oui, dès le départ, les dés étaient pipés puisque les deux partenaires ne poursuivaient pas les mêmes objectifs. Mais là, il faut aussi parler de l'attitude des États-Unis qui vont faire pression sur le membre le plus faible et le moins convaincu de l'Alliance. La Grande-Bretagne. Bien évidemment. Et le premier coup de semonce s'est tiré à la bourse. Soudain, la banque américaine, la Federal Reserve Bank, s'attaque à la livre anglaise. Très vite, la monnaie anglaise baisse. À Londres, on s'affole. Et Anthony Eden, déjà politiquement très isolé, commence à flancher. Anthony Eden, hein, qui était par ailleurs malade, je crois. Hein. Oui, très malade. Et les autres coups de semonce, alors ? Ben, il mobilise les moyens les plus sophistiqués de la guerre secrète. Ben, là, racontez-moi, alors. Le 6 novembre, le jour même du débarquement, le commandement de l'OTAN diffuse un message d'alerte. Des avions à réaction viennent de survoler le territoire turc. Turc, c'est des avions qui viennent de l'URSS. Naturellement. Ouais. D'autre part, selon d'autres sources, une centaine de MiG viennent d'atterrir en Syrie. Et au même moment, on indique qu'un appareil britannique a été abattu au-dessus de la Syrie. Et ce n'est pas tout. Un de nos agents basés en Turquie signale que les autorités soviétiques ont demandé à Ankara le passage de 5 navires de guerre dans le Bosphore. Enfin, à Paris, on apprend par une dépêche ultra-secrète que 6 sous-marins soviétiques sont présents au large d'Alexandrie. La conclusion est claire. Ouais, l'URSS s'apprête à passer à l'action. Ça paraît évident. Mmh. Et le soir même, le maréchal Bulganine menace, si Londres et Paris n'interrompent pas immédiatement leur intervention en Égypte, l'URSS va frapper. Quoi, une frappe nucléaire ? Exactement. Dans ces conditions, la Grande-Bretagne d'abord, la France ensuite, ne peuvent que s'incliner. C'est d'ailleurs ce que leur demandent les États-Unis avec insistance. On a l'impression, là, en vous écoutant, qu'il existe alors une sorte de connivence entre Washington et Moscou. Bien sûr. Moscou bluffe. Et Washington le sait parfaitement. Jamais, vous m'entendez, il n'a été question d'envoyer des fusées sur Paris ou sur Londres. Et jamais non plus, il n'y a eu de mobilisation des forces conventionnelles soviétiques. Alors, toutes ces informations, là, c'était de l'intoxication, hein ? Et qui en était le ou les auteurs ? Ben, les services américains, incontestablement. Les États-Unis ne voulaient à aucun prix d'une victoire franco-britannique en Égypte. Pourquoi ? Ben, je vous l'ai déjà dit. Les Américains voulaient supplanter les anciennes puissances coloniales dans le monde arabe. Et quelles ont été les conséquences de cette affaire ? Bien, d'abord, très habilement, Nasser a transformé en victoire politique ce qui était quand même une défaite militaire. Son prestige a été donc accru dans le monde arabe. Et bien sûr, le FLN algérien a très vite compris le parti qu'il pouvait tirer de cette victoire paradoxale de son principal allié. L'autre conséquence a été désastreuse pour la France. Une nouvelle fois, les officiers français, après l'Indochine, ont avalé une couleuvre en étant obligés précipitamment d'évacuer Suez. Ils ne sont pas prêts de l'oublier. Hein. Alors, avant de vous quitter, il faut encore vous faire part de deux secrets. Le premier a été révélé assez récemment, en 2004, par la grande historienne Georgette Elgey. Le gouvernement français n'avait pas seulement prévu de débarquer Nasser par la force, il avait aussi pensé à le remplacer. Et le remplacer par qui ? Par le général Néguib, l'officier que Nasser avait évincé en 1954. Et ce général a été contacté, effectivement, oui, par Paris ? Oui, tout à fait. Guy Mollet a envoyé deux de ses proches au Soudan où était réfugié Néguib. Et la rencontre est arrangée par les services secrets soudanais que l'on arrose généreusement. Les réponses de Néguib, alors ? Si les Britanniques sont de la partie, il est prêt à tenter l'aventure. Et donc à succéder à Nasser. Absolument. Mais sa réponse ne parviendra jamais à Paris à cause des difficultés de transmission. Ouais, ouais. Vraie ou fausse difficulté ? Peu importe, puisque l'expédition de Suez s'est terminée par un fiasco. Bon, admettons. Et le deuxième secret, alors ? Écoutez, j'ai pas de preuves, simplement une intuition, mais je crois que je suis dans le vrai. Depuis longtemps, déjà, Tel Aviv fait le forcing pour obtenir de Paris une coopération accrue en matière nucléaire. Oui, afin de construire un jour sa bombe. Hein. Naturellement. Mmh. Et vous ne l'ignorez pas, la France est assez avancée dans ce domaine. C'est le gouvernement de Pierre Mendès France, en 1954, qui a pris secrètement l'initiative de lancer la France dans l'aventure nucléaire. Oui, mais il faudra quand même attendre 4 ans hein, pour assister à l'explosion de la première bombe atomique française. Vous avez raison, mais technologiquement, dès 1956, nous sommes déjà très au point. Et si nous le voulons, nous pouvons aider de façon très efficace les équipes scientifiques israéliennes. À Sèvres, Ben Gourion subordonne donc son accord au plan français à cette acceptation d'une coopération nucléaire. Ouais. Ouais, comme c'est finalement Guy Mollet qui est demandeur, hein, il va obtenir satisfaction. Ah, j'en suis persuadé. Il suffit d'observer la concomitance des dates. Ben Gourion vient rencontrer secrètement Guy Mollet entre le 22 et le 24 octobre. Or, peu après, au même moment, le gouvernement français donne l'ordre au commissariat à l'énergie atomique de coopérer avec les Israéliens. Ça me paraît clair, non ? Mais bien évidemment, cette disposition n'a pas été consignée sur les 3 feuillets de l'accord de Sèvres, dont le contenu était déjà suffisamment brûlant comme ça. Deux livres pour terminer. D'abord, le 4e tome de l'histoire de la 4e République de Georgette Elgey, un ouvrage passionnant qui est paru chez Fayard en 2004. Et ensuite, « Les secrets de l'expédition de Suez », un livre de Denis Lefebvre, publié par Perrin. Et je vous rappelle la parution en poche des « Dessous de la France-Afrique », signé par votre serviteur et Monsieur X. Un livre coédité par France Inter et Nouveau Monde. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez naturellement communiquer avec nous. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Bibillou qui l'a mise en onde et Monsieur Joum qui lui a ajouté quelques notes de musique. Et tout de suite, après le flash, on va se balader. Hein, c'est au de mon amour de Denis Chessou.